بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui, on reprend à partir de là où on s'était arrêté dans le dernier séminaire qu'on avait organisé parmi les séminaires de la mosquée de Al-Athar dans la ville de Québec. Et au dernier séminaire, on avait commencé donc le livre du Cheikh Abdussalam ibn Burjis al-Abdul Karim qui s'intitule Al-Mu'taqad al-Sahih, c'est-à-dire la croyance authentique, la croyance correcte. Et dans le dernier séminaire, on avait fait six cours, et dans ces six cours-là, on avait fait l'introduction sur, on avait parlé de l'obligation de suivre la aqida des salafs, le principe qui détermine qui sont les gens d'Ahlus Sunnati wal Jama'a. On a expliqué Ahlus Sunnati wal Jama'a en expliquant que c'est un seul groupe, que c'est un groupe qui est indivisible, hein, unique. On a expliqué les différentes appellations qui sont employées pour désigner les gens de la Sunna. Entre autres, As-Salafiyoun, ceux qui suivent les Salafs. Et on a parlé également des différents écrits et des ouvrages qui ont été rassemblés par les imams de la Sunna pour clarifier les principes et la croyance des gens de la Sunna. Également, on a fait le chapitre sur Tawhid al-Rububiyya, Tawhid al-Uluhiyya, et Tawhid al-Asma al-Sifat. On a expliqué ces trois fondements ou ces trois catégories du Tawhid. Ensuite, on a parlé des piliers de la foi, les six piliers de la foi: l'iman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa al-yawm al-akhir wa al-qadri khayrihi wa sharrihi. Donc les six piliers de la foi en Allah, la foi en les anges, la foi en les livres, la foi en les messagers, la foi en le jour dernier et la foi en la prédestination. Hein, ce que Allah a prédestiné de bien ou de mal. Et ensuite, on a parlé également, bien entendu, tout ça c'était en résumé, hein, on a survolé ces points-là. Puis, on s'était arrêté au dernier point dans les cours au sujet de la foi en la prédestination, Al-Qadar. Maintenant, on va reprendre à partir du point suivant, et je vais vous mentionner les points qui vont être dont on va traiter maintenant. Je vais vous mentionner maintenant les points dont on va traiter dans le séminaire de ce week-end avec ce livre, et on va essayer ce week-end, inshallah, de compléter le livre, d'accord. Et voici les points qui restent à couvrir dans l'ouvrage du Cheikh Abdussalam ibn Burjis. C'est le point suivant: i'tiqad wa ahl as-sunnah wal jama'a fi haqiqat al-iman, c'est-à-dire la croyance d'ahl as-sunnah wal jama'a au sujet de la réalité de la foi. Donc ça, c'est le premier point dont on va parler aujourd'hui. Et le point suivant, c'est hukm man waqa'a fil kaba'ir, c'est-à-dire le verdict des gens de la sunna au sujet de la personne qui tombe dans un grand péché parmi les grands péchés. Donc ça, c'est un point important aussi. L'autre point dont on va parler, inshallah, c'est al-mu'taqad fi sahabati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la croyance vis-à-vis des compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et un autre point aussi dont on va parler, c'est al-mu'taqad fi ahli bayt an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, la croyance à propos de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le point suivant, ce sera sur al-mu'taqad fi karamat al-awliya, c'est-à-dire la croyance au sujet des prodiges faits par les awliya, les serviteurs rapprochés d'Allah. Un autre point aussi dont on va parler, c'est un point parmi les points qui font partie du manhaj des gens de la sunna, المعتقد فيما يجب لولاة الأمر من المسلمين. C'est-à-dire la croyance par rapport à ce qui est obligatoire vis-à-vis des dirigeants, de ceux qui gèrent les affaires des musulmans, parmi les dirigeants et les gouverneurs. Donc on va parler de ça aussi. Et un autre point, النهي عن الجدال في الدين, l'interdiction de débattre et d'argumenter à propos de la religion, de se disputer et de débattre à propos de la religion. Ça, c'est un autre principe parmi les principes d'Ahl Sunnah. Et aussi un autre point, النهي عن مجالسة أهل الأهواء والبدع, c'est-à-dire l'interdiction de fréquenter, de s'asseoir avec les gens de l'innovation, les gens de la passion et de l'innovation. Donc ça, c'est les points dont on va parler. Puis la conclusion, hein, la conclusion qui est yani, le mot de la fin si on veut, un doua, hein, que le cheikh a mentionné. Donc ayant dit ça, on va commencer maintenant tout de suite sans perdre de temps, inshallah, avec le point suivant qui est aujourd'hui, donc on, si on veut, on peut appeler le cours d'aujourd'hui le cours numéro 7. Hein? Si on veut, on peut appeler ce cours maintenant qu'on va faire le cours numéro 7 si on tient compte de la série par rapport au cours qu'on a donné dans le dernier séminaire, puisque dans le séminaire qu'on fait maintenant, c'est la deuxième partie. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le cheikh Abdussalam ibn Burjis rahimahullah ta'ala, oui, juste avant de commencer, il y a juste une petite note pour clarifier un point important. C'est comme on l'a expliqué, c'est que tous les sujets dont on parle maintenant dans ce cours, c'est des principes fondamentaux parmi les fondements d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Et tous les ulama d'Ahl Sunnah ont supporté et affirmé ces points-là et ces aspects-là de la croyance. Et c'est des choses qui ont été clarifiées et élaborées en détail par les imams d'Ahl Sunnah wal Jama'a dans les livres de la croyance et des livres de la aqida. Donc le cheikh Abdussalam ibn Burjis, il s'est limité dans ce livre-là à mentionner les points et les preuves. Il n'a pas discuté un peu plus en détail ou ramené plus d'exemples ou des citations ou des paroles des salafs. Il n'a fait que présenter les grandes lignes et mentionner les preuves les plus importantes. Toutefois, il existe pour chacun de ces points-là des ouvrages détaillés. Si quelqu'un, par exemple, désire avoir plus d'explications ou plus de détails sur chacun de ces points-là et plus de preuves, eh bien, il y a des ouvrages qui ont été écrits dans ce sens-là qui expliquent encore plus. Et il y a des explications des ulama pour la plupart des livres qui ont été écrits sur la aqida des salafs. On les retrouve facilement à notre époque et on a donné des cours dans le passé sur chacun de ces points-là également. Donc, ayant dit ça, maintenant on va commencer. Le cheikh dit « Al-mu'taqad as-sahih fi al-iman », la bonne croyance au sujet de la foi. Donc, il dit, par rapport à ça, le point numéro 5, ça fait partie de, si on veut, c'est le chapitre 5, il dit « Wa min jumlati i'tiqadi ahli sunnah anna al-iman qawlun bil-lisan » بأن ينطق بشهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله واعتقاد بالقلب بأن يجزم جزما قاطعا بصدق كلمة التوحيد وعمل بالجوارح. قال الإمام الشافعي رحمه الله كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر رواه اللالكائي في السنة. Donc pour commencer, on va clarifier un point, c'est que les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a se sont mis d'accord par rapport à la définition de la foi, hein? Et ils ont mentionné par rapport à la foi que c'est quelque chose qui se définit par cinq phrases. cinq phrases ou cinq points. Donc j'ai mentionné les trois premiers ici. Le cheikh il dit premièrement, yani, parmi les points fondamentaux sur lesquels les gens de la sunna sont d'accord par rapport à la croyance, c'est leur définition de la foi. Puis on va voir par la suite qu'il y a des gens parmi les sectes et parmi les groupes qui ont dévié, qui ont défini la foi de façon différente que Ahl al-Sunnah wal Jama'ah, et qui ont contredit les preuves du Coran et de la Sunna à ce sujet-là. Donc, la croyance de Ahl al-Sunnah wal Jama'ah au sujet de la foi et de sa définition, c'est que premièrement, c'est une parole de la langue, une croyance du cœur et un acte fait par le corps. D'accord? Donc ça, c'est les trois premiers. Et le cheikh, il élabore un petit peu plus. Il dit, la foi, c'est une parole de la langue, comme par exemple, il dit, de prononcer le témoignage du tawhid, de dire « La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah ». C'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah. Donc ça, ça fait partie de la foi. Quelqu'un qui ne prononce pas, wa alaykoum salam wa rahmatullah, quelqu'un qui ne prononce pas le témoignage de la foi, il ne peut pas être considéré comme étant un musulman, il ne peut pas être considéré comme étant un mu'min. Donc la foi, c'est une parole de la langue. Wa i'tiqadun bil qalb, et une croyance du cœur, c'est-à-dire une conviction, une ferme conviction du cœur. C'est-à-dire qu'on croit fermement dans notre cœur en la véracité du témoignage du tawhid, de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, et en ce que ça implique. Wa amalun bil jawarih, et un acte avec le corps, une action du corps. Et pour ça, bien entendu, il y a des exemples de chacun de ces piliers dans la foi, de ces principe de la foi, les actes du corps qui sont par exemple le fait de faire la salat, hein, dans la salat il y a des actes du corps, hein, et dans le hajj il y a des actes du corps et beaucoup d'autres, hein. Tout ça, ça fait partie des actions et ça rentre dans la définition de la foi. Et l'imam al-Shafi'i, il dit justement, wa alaykoum salam wa rahmatullah, l'imam al-Shafi'i, il dit à ce sujet là que les sahaba, ils ont un consensus. De même que, il dit, les sahaba, les tabi'in, et ceux qui sont venus après eux parmi ceux que nous avons rencontrés, ont été tous sur le consensus en disant que la foi, c'est une parole, une action et une intention du cœur. Et que l'un de ces points-là, ne peut être valable que en ayant accepté les autres. C'est-à-dire que les trois points doivent être réunis. Il faut croire en ces trois points-là. Tu peux pas dire, par exemple, juste la croyance du cœur tout seul, ou la croyance, ou bien l'action du corps tout seul sans la croyance du cœur, ou bien, par exemple, la parole de la langue sans les actions. Il faut que les trois soient réunis. Donc une parole de la langue, une croyance du cœur et un acte par le corps. Et un autre exemple de ça, par la suite, les deux points suivants qui sont très importants également, c'est que Yazid, il dit, le Cheikh Abdussalam ibn Burjis, rahimahullah, Yazidu l'imanu bitta'a wa yankusu bil ma'asiyah. قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا. Donc le cheikh il explique que parmi les éléments de la foi aussi dans sa définition, il faut rajouter deux points encore, c'est-à-dire que la foi elle augmente avec les actes d'obéissance et elle diminue avec les péchés. Donc la foi c'est pas une chose qui est fixe, c'est pas une chose qui est stable. C'est pas une chose qui est statique, qui ne bouge pas, ou qui ne change pas, ou qui ne diminue pas, et qui n'augmente pas, non. C'est quelque chose qui est toujours en fluctuation constante, selon nos œuvres, selon nos actions, selon notre pratique, selon nos péchés. Elle augmente avec l'obéissance, elle diminue avec les péchés. Et à propos de ça, il y a beaucoup de preuves. Toutes ces cinq phrases, qu'on a mentionné, la foi, la parole de la langue, la croyance du cœur, l'action du corps qui augmente avec les bonnes œuvres et qui diminue avec les péchés, tout ça c'est supporté par des preuves dans le Coran et dans la Sunna. D'accord ? Et il y a des groupes qui ont dévié sur cette définition-là ou à propos de cette définition-là. Et parmi ces groupes-là, on peut calculer, on peut mentionner les Murji'a. Et les Murji'a, ils ont dévié dans la définition de la foi du fait qu'ils considèrent que les actions ne font pas partie de la foi. C'est-à-dire que pour eux, l'action se limite uniquement soit à une parole de la langue, ou bien parfois juste une croyance du cœur. Ou bien une parole de la langue et une action, une croyance du cœur. Mais ils ne calculent pas les actions comme faisant partie de la foi. Et ils disent par conséquent que la foi, elle n'augmente pas et elle ne diminue pas. Pour eux, la foi, elle n'augmente pas, elle ne diminue pas. C'est quelque chose qui est égal pour tout le monde, qui est la même chose pour tout le monde. Le prophète, le messager, les sahaba, le plus pieux des hommes, et le menteur, le voleur, le criminel, pour eux, ils ont le même niveau de foi. Hein? La foi, elle n'augmente pas, elle ne diminue pas. Et le fait de faire des péchés, ça, pour eux, ça n'affecte pas ta foi, ça ne la fait pas diminuer. Hein? Et le fait de faire des bonnes œuvres, ça ne l'augmente pas non plus. D'accord ? Ça, c'est une croyance qui est, bien entendu, en contradiction avec les preuves de la révélation. On va le montrer de toute façon plus tard. Parmi ceux qui ont dévié aussi à propos de la définition de la foi, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, parmi les gens qui ont dévié aussi à propos de la définition de la foi, il y a les khawarij. Et les khawarij, eux, la même chose que les murji'a, hein, ils disent que la foi, elle augmente pas et elle ne diminue pas. Un peu comme les murji'a, ils disent que la foi, elle augmente pas et ne diminue pas, sauf que eux, c'est à l'autre extrême. Les murji'a, eux, ils disent, si tu fais des péchés, ça n'affecte pas ta foi, ça ne la fait pas diminuer du tout. Et si tu fais des bonnes œuvres, ça ne la fait pas augmenter non plus. C'est la foi est fixe. Donc, si tu fais des péchés, tu restes toujours musulman et ta foi est complète. Hein? Tandis que les khawarij, eux, ils ont dit, non, la foi, c'est un tout et ça comprend toutes les actions. Sauf que si tu fais des péchés, eh bien, ta foi, elle disparaît d'un bloc. Du moins que tu fais un grand péché parmi les grands péchés, tu perds complètement la foi. Tu deviens un kafir. Hein, et tu vas être en enfer pour l'éternité. C'est ça la croyance des Khawarij. Et eux, c'est une des sectes qui ont dévié du droit chemin. Et il y a aussi la secte des Mu'tazila. Et eux, les Mu'tazila, ils ont inventé une bid'a aussi par rapport à la définition de la foi. C'est qu'ils ont dit que celui qui commet des grands péchés, on ne peut pas dire de lui, et ça on va y revenir de toute façon parce qu'on va parler de la position des gens qui ont des kaba'ir, ça on va en parler de toute façon tout à l'heure. Ils disent que celui qui fait des grands péchés, il n'est ni mécréant ni croyant, mais il est dans un état entre les deux. Hein? Puis on va y revenir plus tard. Le cheikh, il a par la suite énuméré plusieurs versets, environ 5 ou 6 versets, qui prouvent que la foi augmente et diminue. Donc je vais les lire d'un seul coup ensemble en arabe avec les hadiths aussi qu'il a cités, puis après on va les traduire un par un ces versets-là, inshallah. Donc le cheikh il commence par le verset 173 dans sourate Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: "Alladhina qala lahumun nas innan-nasa qad jama'u lahum innan-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana." Donc le point ici, fazadahum imanan, ça c'est la preuve. وقال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Le verset 2 dans sourate Al-Anfal. وقال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون فزادتهم إيمانا سورة التوبة. وقال تعالى ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. verset 22 dans sourate al-Ahzab وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. le verset 4 dans sourate al-Fath ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. Le verset 31 dans Surat Al-Muddathir, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَقَالَ تَعَلَى وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِمَانًا. Ça aussi c'est une autre preuve. Et le verset suivant, وَقَالَ تَعَلَى وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. On l'a lu tout à l'heure, donc le cheikh il l'a répété ici deux fois. Et le verset ensuite dans lequel il dit وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وقال لهن ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فهذا دليل على نقصان الإيمان. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا رواه أحمد وغيره من عن أبي هريرة رضي الله عنه. وإذا كان من اتصف بحسن الخلق فهو أكمل المؤمنين إيمانا فغيره ممن ساء خلقه أنقص إيمانا. Donc le cheikh, il a énuméré tous ces versets-là et les hadiths aussi. Et il a mentionné ça comme preuve pour justifier et pour prouver que la foi augmente et diminue. Donc le cheikh, il a cité ces versets, je vais vous les traduire. Le premier, c'est le verset 173 dans Surat Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Ceux à qui les gens ont dit, les gens se sont réunis contre vous alors craignez-les, alors cela a augmenté leur foi. Cela a fait augmenter leur foi. » Le verset 2 dans Surat Al-Anfal, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, « Et lorsqu'on leur récite ces versets, cela augmente leur foi. » Lorsqu'on leur récite ces versets, cela augmente leur foi et ils mettent leur confiance en leur Seigneur. Le verset 124 dans Surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et lorsqu'on leur révèle une sourate, parmi eux, il y en a qui disent, lequel d'entre vous, cette sourate a-t-il fait augmenter la foi? Tandis que, donc ceux qui ont la foi, ceux qui ont cru, cela augmente leur foi et ils s'en réjouissent. Et le verset 22, dans sourate Al-Ahzab, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et lorsque les croyants ont vu les coalisés, Al-Ahzab, ils ont dit, voilà ce que Allah nous avait promis et ainsi que son messager. Et certes, Allah et son messager ont dit vrai. Et cela n'a fait qu'augmenter leur foi et leur soumission. Donc on voit ici la mention de l'augmentation de la foi et de la soumission. Le verset 4 dans Surat Al-Fath, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, c'est lui qui a fait descendre la tranquillité sur le cœur des croyants pour rajouter de la foi à leur foi. لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ. Et le verset 31 dans Surat Al-Muddathir, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, et Allah augmente ceux qui ont cru en foi, en iman. Et il mentionne deux hadiths. Et ces hadiths-là, c'est pour prouver, wa alaykoum salam wa rahmatullah, ces versets-là, c'est pour prouver que la foi diminue. Parce que dans tous les versets qu'on a mentionnés, on mentionne l'augmentation de la foi. Or, il y a parmi les gens de Bid'a qui ont dit, qui ont accepté ou qui ont reconnu que effectivement la foi peut augmenter, mais certains ont nié par contre qu'elle peut diminuer. Alors, parmi les exemples que le Cheikh a rapportés pour montrer que la foi peut diminuer aussi, les hadiths suivants, comme le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Ibn Omar, radiyallahu anhuma, wa alaykum as-salam wa rahmatullahi wa barakatuh, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exhorté les femmes en leur disant: je n'ai jamais vu de plus déficiente, ou je n'ai jamais vu de plus déficiente en raison et en religion qui puisse faire partir la tête ou la raison d'un homme déterminé plus que l'une d'entre vous. Ou je n'ai jamais vu de déficiente en raison et en religion capable de faire partir la raison d'un homme déterminé plus que l'une d'entre vous. Et il dit, le cheikh, qu'il y a dans ce hadith la preuve de la déficience ou de la diminution de la foi. Puisqu'il dit, naqisatu aqlin wa din. Parmi celles qui sont diminuées en foi et en raison. Et les femmes ont posé la question à ce moment-là, au messager d'Allah, quelle est leur diminution dans la foi? Et quelle est leur diminution dans la raison? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué. Il a dit, la diminution dans la raison, c'est le fait que lorsque elle témoigne, Allah il a mentionné dans le Coran que c'est deux femmes qui témoignent, tandis que le témoignage d'un seul homme, dans certains cas c'est suffisant, tandis que dans certains cas il faut qu'il y ait deux femmes pour témoigner. Donc ça c'est, il a dit, ça c'est leur diminution dans la raison. En ce qui concerne leur diminution dans la religion, il a mentionné le fait que lorsque la femme, par exemple, a ses règles, ses menstrues, donc elle ne prie pas, elle ne jeûne pas, et il a dit c'est ça leur diminution dans leur religion, c'est-à-dire dans leur foi. Donc ça c'est la preuve que la diminution des œuvres fait diminuer la foi. Et il y a également la preuve de la diminution de la foi dans d'autres hadiths. Et il mentionne par exemple le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le plus complet des croyants, en foi, c'est celui dont le comportement est le meilleur. Celui qui a le meilleur comportement. Et ça c'est rapporté par Ahmad et d'autres également, selon Abi Huraira radiallahu anhu. Le cheikh, il conclut donc en disant, par rapport à ce hadith-là, que si celui qui a été décrit comme ayant le meilleur comportement est celui qui est plus complet dans sa foi, eh bien, ça implique que celui dont le comportement est mauvais a une foi plus faible, et que sa foi a donc diminué par rapport à ça. Maintenant, par rapport à ce qui concerne ceux qui ont des déficiences ou qui ont des erreurs dans leur définition de la foi, parmi les différentes catégories de groupes de bid'a qu'on a mentionné tout à l'heure, et d'autres groupes également qu'on n'a pas mentionné, il y a les groupes suivants ou il y a les exemples suivants. L'exemple de ceux qui ont une des cinq éléments qu'on a mentionné par rapport à la définition de la foi. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Marwan. Barakallahu fik. Donc par exemple, on a dit que la foi c'était cinq piliers ou bien cinq phrases qu'on a mentionné, qu'il faut respecter ces cinq choses pour que notre définition de la foi soit complète. La parole de la langue, la croyance du cœur, les actes du corps, et que la foi augmente avec les bonnes œuvres et qu'elle diminue avec les actions. Donc, s'il y a un manque dans, dans un de ces points-là, alors on va voir que il y a par exemple différents groupes qui ont dévié dans certains de ces points-là. Le premier exemple que le cheikh il mentionne, c'est celui qui prétend avoir la foi sans avoir la croyance du cœur. Ça c'est étonnant, mais ça existe, ça existe. Et l'exemple de ça, c'est les munafiqoun, les hypocrites. Ils prétendent la foi, mais ils ne croient pas dans leur cœur. Hein? Donc, le cheikh, il dit, « لَيْسَ الْإِيمَانُ قَوْلًا وَعَمَلًا دُونَ اعْتِقَادٍ لِأَنَّ هَذَا إِيمَانُ الْمُنَافِقِينَ قَالَ تَعَالَى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ » Donc, il dit, le cheikh, que la foi, hein, ce n'est pas, il dit, la foi, ce n'est pas sans la croyance. C'est-à-dire, c'est pas de croire, de dire les la parole de la foi et de faire les œuvres sans avoir la croyance. Il dit, parce que sinon, ça, c'est la foi des munafiqin, la foi des hypocrites. Et le munafiq, c'est quoi? C'est celui qui dit, avec la bouche, qu'il croit, mais dans son cœur, il renie la religion. Hein? Dans son cœur, il n'y croit pas. Donc, il dit, moi, je suis musulman. Il fait peut-être même la salat. Peut-être même qu'il fait le ramadan. Hein? Il pratique les aspects extérieurs de la religion. Et il prononce le témoignage de la foi. Il dit, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Mais dans son cœur, il dit, moi je ne crois pas en l'islam. Je ne crois pas au messager. Même peut-être qu'il déteste l'islam. Et qu'il déteste le messager. Wal'iyadu billah. Et qu'il déteste le Coran. Ou qu'il déteste des aspects de la religion. Hein? Et donc ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle du nifaq. Hein? C'est comme par exemple, il y a des gens parmi les musulmans, sont des munafiqin. Ils disent, moi, je suis contre le hijab. Hein? Ils disent, moi, je suis contre le hijab, je rejette ça, j'accepte pas ça. Donc ça veut dire qu'en réalité, ces gens-là, même s'ils se disent musulmans, ils disent, moi, je suis musulman, mais je suis contre ça. Ça veut dire que ce sont des munafiqin. Parce que tu peux pas, si tu as la connaissance de l'obligation du hijab et que ça fait partie de la religion, tu peux pas le détester. Si tu le détestes, ça veut dire qu'il y a un problème dans ta foi. Ça veut dire que tu crois pas réellement en Allah. Hein, ou que tu remets en question la raison pour laquelle, dans le sens que tu remets en question le fait que Allah a légiféré cette règle-là dans l'islam. C'est comme si tu rejettes la sagesse, la sagesse parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu considères que Allah subhanahu wa ta'ala légifère des choses qui ne sont pas bonnes pour les hommes ou pour les femmes. Donc celui qui pense ça, ça veut dire qu'il a pas une, il croit pas réellement en Allah. Hein? Ou bien quelqu'un qui dit, moi, par exemple, moi, je suis d'accord avec tout dans l'islam, sauf que je rejette le djihad. Moi, je considère que le djihad, ça, c'est contre la moralité, hein, contre l'humanisme. Et je refuse ça dans l'islam. Donc, celui-là, c'est la même chose. Il rejette quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Donc, il est dans ce sens-là, un munafiq. Et peut-être qu'il ne le dit pas ouvertement, il le pense seulement dans son cœur. Hein? Donc, j'ai connu déjà des gens, par exemple, qui sont nés dans des familles musulmanes, qui sont nés dans des pays musulmans. Puis, j'ai essayé de leur parler par rapport à l'islam pour les amener à pratiquer la religion. Et puis, ils disaient, nous, on est nés dans des familles musulmanes, mais on dit juste à nos parents, on dit juste qu'on est musulman devant nos parents pour qu'ils soient contents de nous. Mais au fond, nous, on ne croit pas réellement en l'islam. Hein? Et il y a différentes raisons pourquoi ces gens-là sont arrivés à rejeter la religion de l'islam de cette façon et d'agir de cette manière hypocrite. Il y a différentes raisons pour ça. mais on va en parler de ça peut-être un peu plus tard. Donc c'est ça la croyance de l'hypocrite, c'est pas une vraie croyance parce qu'il n'y a pas dedans la conviction du cœur. Le croyant en islam, c'est celui qui dit amantu billahi rabban, hein, ou raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyan wa rasulan. C'est-à-dire, je suis satisfait d'Allah comme mon Seigneur et de l'islam comme ma religion et de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme mon prophète et mon messager. Ça implique que tu dois accepter tout ce qui vient avec et tout ce qui est dedans. Tout ce qui a été légiféré par Allah, tout ce qui a été révélé dans le Coran, tout ce qui est mentionné dans la Sunna, et que tu ne rejettes rien de ce qui est dedans. Et que tu acceptes tout dans son entièreté. Hein? C'est pas comme si, oh, j'accepte certaines choses, mais d'autres choses, je suis pas d'accord. Celui qui dit ça, il est pas musulman. Celui qui accepte juste une partie de la religion et qui rejette certaines parties, il est pas musulman. Hein? Il faut accepter tout parce que le tout vient d'Allah. Allah, il dit dans le Coran, أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ. Est-ce que vous croyez une partie de la religion et vous rejetez l'autre? Hein, donc ça c'est de la mécréance, d'accord? Donc ça c'est le premier exemple. Et le verset que le cheikh il a cité, c'est le verset 8 dans sourate al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: et parmi les hommes, il y en a qui disent: nous croyons en Allah et au jour dernier. Donc vous voyez, ils disent ouvertement: nous croyons en Allah et au jour dernier. Mais Allah les a démentis. Il dit: wa ma hum bi mu'minin, mais ils ne sont pas croyants en réalité. يخادعون الله والذين آمنوا. Ils cherchent à tromper Allah et ceux qui ont cru. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala savait pas. Allah sait tout qu'est-ce qui est dans leur cœur. Donc ils peuvent pas tromper Allah. Hein? Ils peuvent peut-être essayer de tromper les croyants. Mais Allah, il sait la réalité de ce qui est dans leur cœur. Le cheikh, il dit ensuite, un autre exemple de déviation par rapport à la foi. Il dit, وليس هو مجرد المعرفة لأن هذا إيمان الكافرين والجاحدين قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وقال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وقال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وقال تعالى وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. Donc ici le cheikh il mentionne une autre catégorie, c'est ceux qui pensent que la foi ça se limite à la connaissance, hein? Que c'est juste le fait de connaître Allah, connaître la religion, que ça c'est suffisant comme foi ou pour être croyant. Non. Le fait de connaître la religion, ça ne fait pas de toi un croyant. Et parmi ceux qui ont dévié dans cet exemple-là, bien entendu, il y a les athées. Hein, il y a les athées qui renient la voie en Allah, malgré qu'ils connaissent au fond d'eux-mêmes, dans leur âme et dans leur cœur, ils savent qu'il y a un créateur, ils savent que Allah existe, ils savent que le messager est réel et véridique, mais ils refusent par rapport à leur orgueil et leur arrogance de le reconnaître ouvertement. Hein? Donc, est-ce que parce que dans leur cœur, ils reconnaissent la véracité de la religion, on va dire d'eux que ce sont des croyants, même s'ils le nient, verbalement ou extérieurement? Non, ils ne sont pas considérés comme étant des croyants, parce que la connaissance, ce n'est pas suffisant pour dire que quelqu'un est croyant. Hein? Et parmi les groupes qui ont dévié à ce sujet-là, il y a parmi les Murji'a, une des sectes qu'on appelle les Jahmiyyah. Et Jahm ibn Safwan et ceux qui l'ont suivi, eux ont défini la foi comme étant la connaissance du cœur. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc les Jahmiyyah, pour eux, pour être un croyant, il faut que tu connaisses Allah seulement. Donc si tu connais Allah dans ton cœur, même si tu n'as pas prononcé la parole, même si tu n'as pas fait les œuvres, du moment que tu connais Allah dans ton cœur, tu es un croyant pour eux. Et pour eux, donc, par conséquent, ils considèrent que Pharaon était un croyant. Ils considèrent que Iblis était un croyant. Parce qu'il connaissait Allah. Iblis connaissait Allah. Pharaon, hein, il reconnaît l'existence d'Allah comme Allah il le mentionne dans le Coran, et on va l'expliquer tout à l'heure en traduisant le verset. On va l'expliquer. Les juifs et les chrétiens, ils reconnaissent que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le vrai messager. Ils le reconnaissent comme leur propre fils, comme Allah il le dit dans le Coran. Qui d'autre encore? Il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Iblis, hein, Iblis, il reconnaît Allah. Fabima arwaitani. Il dit, parce que tu m'as causé, hein, de m'égarer. Il reconnaît l'existence d'Allah, il sait qu'il existe, il croit en l'existence d'Allah, Iblis. Est-ce que Iblis peut nier l'existence d'Allah? C'est pas possible pour lui. Il était un de ses plus rapprochés, hein, un de ses serviteurs plus rapprochés, avant de désobéir et avant de tomber dans la mécréance. Donc il ne peut pas nier l'existence d'Allah, il connaît son existence, mais ça ne fait pas de lui un croyant par conséquent. Même Abu Talib, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a rapporté à son sujet qu'il a dit: لَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَةِ دِينَ. Je sais que la religion de Muhammad, c'est la meilleure des religions au monde. Donc ça veut dire, il dit ça. Mais après, il dit: وَلَوْلَا الْمَلَامَةُ أَوْ حَذَارَ مَسَبَّتٍ لَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينًا. C'est-à-dire, si j'aurais pas eu peur des insultes, et si j'aurais pas eu peur du blâme de mon peuple, hein, du fait qu'ils vont dire, j'ai abandonné la religion de mes ancêtres, hein, ils m'auraient vu dire ça ouvertement. Mais il a peur de la honte, ou de la gêne, du fait que son peuple va le blâmer. Pourquoi t'as abandonné la religion de tes ancêtres, hein? Pourquoi t'as abandonné la voie de ton père, hein? Quelle honte! Donc, pour lui, la honte de son peuple par rapport à ça, des blâmes de son peuple, il a plus peur de ça que du châtiment d'Allah. Ça, c'est triste, hein? Mais à cause de ça, il est mort mécréant, Allah Musta'an. Donc, le cheikh, il donne des preuves à ce sujet-là. Premier verset qu'il a cité, c'est le verset 14 dans Surat An-Naml, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا. Qu'est-ce que ça signifie? Ça parle de Pharaon. Et ça parle des miracles que Pharaon a fait, que Moussa a fait, pardon. Vous savez que Moussa, alayhi salam, quand il est venu vers Pharaon, il a amené les 8 plagues, hein, d'Égypte. Qu'est-ce qu'on appelle les 8 plagues? Je sais pas si on dit plagues en français. Hein? Non, pas les plaies. Plague. En tout cas, je ne sais pas en français comment on dit. En tout cas, il y avait 8 signes, 8 miracles que Moussa a amené pour montrer à Pharaon qu'il devait laisser partir son peuple. Hein? Il y a eu, par exemple, la main qu'il a montrée, hein, qui est devenue blanche, éclatante. Quand il l'a mis dans son manteau, il l'a sorti. Il y a eu le bâton qu'il a jeté, qui a mangé tous les serpents, les cordes que les sorciers avaient fabriquées. Hein, ça, c'était des miracles qu'il a montré. Ça, c'était des preuves claires. Il y a eu aussi les grenouilles. Il y a eu le Nil qui est devenu rouge, comme le sang. Il y a eu les criquets, je crois aussi, hein, les sauterelles. Il y a eu d'autres signes encore. Donc, Moussa, alayhi salam, il dit, tu sais très bien, hein, que ces preuves-là, personne ne les a fait descendre, excepté Allah. Hein. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 14, dans surat An-Naml, وَجَحَدُوا بِهَا. Ils les ont reniés. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. Alors que, en eux-mêmes, dans leur âme, ils avaient la conviction. Istayqanatha, ils avaient la conviction que c'était d'Allah. Et ils savaient ça avec conviction. Mais ils l'ont renié, jahadu biha dhulman wa uluwa, par injustice et par fierté, orgueil. Ils refusent de l'admettre. Hein? Donc c'est la preuve que le kafir, même si dans son cœur il croit, mais s'il refuse de l'admettre verbalement et de se soumettre et de suivre la vérité, c'est pas considéré comme étant de la foi. Hein? Et souvent les ulama ils disent justement un vrai mulhid, un vrai athée 100% pur, ça n'existe pas vraiment. Parce que la fitra de l'homme lui force à reconnaître que Allah existe. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a écrit profondément dans l'âme de chaque homme et chaque femme que Allah existe. Il sait ça en lui-même de façon instinctive, de façon naturelle. Même s'il le renie avec sa bouche. Hein. Donc c'est pour cette raison-là que un vrai athée pur, ça n'existe pas. C'est juste en parole, par orgueil. Tu lui dis, prosterne-toi devant ton Seigneur, comme Allah il l'a ordonné. Il refuse. Il dit, jamais, je ne vais jamais me prosterner devant lui. Je refuse de me prosterner. Je refuse de me soumettre à mon Créateur. Ça, c'est de l'orgueil. Hein? De l'orgueil, parce qu'il se pense haut, se pense important. Il pense qu'il peut défier son Créateur. Nasallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est à cause de son ignorance et de son aveuglement, de son orgueil, de son injustice. Un autre exemple de ça, le verset 33 dans Sourate Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكْ وَلَكِنَ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset, à propos des mouchriquins de Quraysh, hein, au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكْ. C'est-à-dire, ton peuple, Quraysh, ils ne te traitent pas de menteur. Ils savent que tu es un homme honnête et que quand tu dis quelque chose, c'est la vérité. Parce que même avant l'islam, la réputation du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son honnêteté, elle était établie. Tout le monde savait que le messager d'Allah, c'est Al-Amin, la personne qui est honnête et qui ne ment pas. Hein? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il console son messager. Il lui dit, non, ne t'attriste pas par rapport à eux. C'est pas toi qu'ils traitent de menteur. C'est pas parce que c'est toi qui leur amènes le message, hein, que qu'est-ce que tu leur dis, qu'ils sont en train de nier ce que toi tu es en train d'expliquer. En réalité, c'est en Allah qu'ils refusent de croire. Hein? C'est en Allah qu'ils refusent de croire. Donc, c'est pour dire, en voulant dire, ils savent que toi, t'es pas un menteur. Mais ils refusent de croire en les signes d'Allah. Et ils renient ces signes et ces versets. Hein? Donc, même si le livre descendait du ciel, hein, devant leurs yeux, et qu'ils voyaient les miracles et les preuves, malgré ça, ils refuseraient de croire. Parce qu'ils ne veulent pas croire déjà à la base. Ils refusent de se soumettre et de suivre la vérité. Donc c'est pas le problème, il n'est pas dans le messager, parce que eux ils savent que le messager il est véridique, mais c'est l'orgueil qu'ils avaient dans leur cœur, malgré qu'ils savent que c'est vrai. Est-ce que parce que ils connaissent la véracité du messager, on considère qu'ils sont des croyants? Non, parce que c'est pas suffisant juste de connaître, hein, la vérité avec le cœur. Il faut l'admettre et le déclarer, et il faut le suivre également et faire les œuvres nécessaires. Un autre exemple aussi, le verset 146 dans Surat Al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, Alladhina atainahum, il dit, bon, ça signifie ceux à qui nous avons donné le livre, ils le reconnaissent de la même manière qu'ils reconnaissent leurs propres enfants. C'est-à-dire que quand ils voient le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et quand ils entendent son message et la législation qu'il a ramenée, eh bien, ils reconnaissent ses enseignements et tout ce qu'il a prêché de la même manière qu'ils reconnaîtraient leurs propres enfants. Donc ils savent que c'est la vérité, que ça vient d'Allah, que c'est pas hein, quelque chose qui est en dehors de ce que les messagers ont amené auparavant, mais ils refusent de l'admettre ouvertement, ils refusent de se soumettre. Donc le fait de reconnaître ça de la part des juifs et des chrétiens, le fait qu'ils connaissent ça dans leur cœur, ça ne fait pas d'eux des croyants. Et l'exemple de ça aussi dans le verset 89 dans surat al-Baqarah, فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. Lorsque leur est venu ce qu'ils ont reconnu, ils l'ont renié. La révélation qui est venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand ils l'ont entendu, tout de suite ils l'ont reconnu, ils ont dit ça c'est clair, c'est la révélation d'Allah, mais ils l'ont renié direct. Hein? Peut-être pour des raisons comme par exemple, ah mais il est un arabe, il ne peut pas accepter son message. Parce que le prophète doit venir de notre tribu, de notre descendance, de la descendance de Ishaq. S'il vient de Ismaïl, on ne peut pas l'accepter. Pas parce que ce n'est pas la vérité, parce qu'il ne vient pas de Ishaq. Est-ce que ça c'est de l'honnêteté, de la justice de leur part? Non. Donc il ne renie pas le message parce que c'est quelque chose qu'il considère comme étant faux. Non, ils savent que c'est la vérité. Ils le renient parce que la fierté, l'orgueil, le tribalisme, le ta'assum, des exemples comme ça. Et il y a plein d'exemples comme ça aujourd'hui. Des gens, par exemple, tu leur ramènes des preuves du Coran et de la Sunna, ils ne vont pas l'accepter. Alors qu'ils savent que c'est la vérité. Mais pourquoi ils ne l'acceptent pas? Parce que c'est en contradiction avec leur jama'a, leur groupe, leur cheikh, ou bien leur firqa. Hein? Tu leur ramènes des hadiths, tu leur ramènes des versets. Ah, oh, mais non, nous, notre cheikh, il a dit ça, on le suit. Hein? Tu leur dis, faites pas des manifestations, c'est contraire à la sunna. Tu leur dis, sortez pas contre les dirigeants, c'est contraire à la sunna. Dis, ouais, mais notre cheikh, il a dit que c'est correct, donc nous, on le fait. Et nous, on est avec les ikhwan, on est avec un tel et un tel, on suit ça. Donc, même si le messager l'a interdit, nous, ça nous est égal. Hein? On veut pas suivre ça, on veut suivre qu'est-ce que notre cheikh il a dit. Hein? Allah al-musta'an. Puis quand leur cheikh il leur dit qu'est-ce qui fait pas leur affaire, eh bien ils rejettent leur cheikh aussi. Donc à la fin, la réalité c'est qu'ils suivent leur passion. Hein? Allah al-musta'an. Il dit ثم قال وعادا وثمود وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. Donc il mentionne ici dans le verset 38 dans sourate al-ankabut un autre exemple dans lequel il dit وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. C'est-à-dire il parle à propos de ceux qui ont contredit les messagers que Allah leur a envoyés. Et il dit que le diable leur a embelli leurs œuvres et les a obstrués, leur a obstrué le sentier d'Allah alors qu'ils voyaient clairement les preuves. C'est-à-dire ils savaient, ils avaient la connaissance et ils comprenaient la réalité, mais ils ont juste refusé de le suivre. Donc ça réfute les Jahmiyyah qui prétendent aussi que Pharaon était mu'min. Et que Iblis était mu'min, hein, et toutes ces paroles d'égarement-là. Donc, les Jahmiyyah, parmi les sectes des Murji'ah, les Jahmiyyah sont les plus extrémistes. Hein, c'est des égarés complètement, et ce ne sont pas des croyants. Même les ulama, ils considèrent les Jahmiyyah comme étant des kuffars aussi. Parce qu'ils renient les noms et les attributs d'Allah en entier. Ensuite, un autre point, ceux qui renient les actions. Parmi la définition de la foi, ceux qui renient les actions parmi les gens de bid'ah. Et parmi eux, il y a les murji'ah, ce qu'on appelle murji'atul fuqaha, murji'atul fuqaha, comme les hanafiyya et les asha'ira. Hanafiyyah et les Asha'ira, ils ont une erreur dans cet égard, ils ont dévié dans cette question, et ils considèrent que les œuvres ne font pas partie de la foi. Donc, Murji'atul Fuqaha, comme, et les Asha'ira, et on peut rajouter aussi les Maturidiyya. Maturidiyya, c'est les Ahnaf. Les Ahnaf, la plupart sont tous Maturidiyya dans la croyance. Donc, eux, ils disent, la croyance ou la foi, c'est quoi pour eux? C'est une parole, c'est une croyance du cœur, ou bien une croyance du cœur et une parole. Mais ça s'arrête là, pas les actions du corps. Et le cheikh, il explique à ce sujet-là. Il dit, وَلَيْسَ هُوَ قَوْلًا وَاعْتِقَادًا دُونَ عَمَلٍ لِأَنَّ اللَّهَ سَمَّ الْأَعْمَالِ إِيمَانًا فقال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس. Donc il dit la foi c'est pas seulement la croyance du cœur sans les actions. Les ulama ils disent la croyance ou la foi plutôt c'est la croyance du cœur, la parole de la langue et les actions du corps. Elle augmente avec la foi, l'obéissance, elle diminue avec les péchés. Eux les murji'a, Murji'atul Fuqaha et les Asha'ira et les Maturidiyya, eux ils disent non, les actions ça fait pas partie de la foi. Et certains d'entre eux ils disent ça, c'est la croyance du cœur, et au sujet de la parole il y a un khilaf. Ils considèrent qu'il y a une divergence sur la parole. Donc certains d'entre eux ils disent la parole est ça fait aussi partie de la foi, et d'autres ils disent non, c'est juste la croyance du cœur seulement. Tasdiq. Ils disent que la foi c'est at-tasdiq seulement, bil qalb. Et ça c'est clairement incorrect. Et c'est une grave égarement et une erreur. C'est une erreur claire. La parole, ils disent, bon, parce que ça fait partie des actions. Donc, donc puisque ça fait partie des actions, ils l'excluent de la foi, de la même manière qu'ils excluent les actes du corps. Puis, ils disent, si quelqu'un fait plus de bonnes œuvres, ça n'augmente pas sa foi. Et si quelqu'un fait plus de péchés, ça ne diminue pas sa foi. Donc ça, c'est parmi leurs erreurs par rapport à ça. Et donc c'est ça. Et dans, par exemple, les livres des Asha'ira, comme les livres qu'ils enseignent à l'Azhar et dans d'autres pays également, où les gens ont la croyance des Asha'ira, eh bien, c'est ça qu'ils prêchent. Comme le livre Jawharat al-Tawhid d'Al-Bayjouri, qui est un genre de poème qui résume la croyance des Asha'ira au sujet de la foi. Il mentionne ces principes-là, que pour eux, la foi, c'est at-tasdiq bil-qalb. Puis ils disent au sujet de la parole, il y a un khilaf, il y a une divergence. C'est ça qu'ils enseignent au Azhar. Et c'est comme je disais, c'est une croyance qui est enseignée dans la plupart des pays où les gens sont des Asha'ira. Donc dans les madhahib, tu vas par exemple trouver chez les Ahnaf, chez les Maturidiyya, il y a cette croyance-là, que l'action ne fait pas partie de la foi. Chez les Shafi'iyya et les Malikiyya, ils enseignent cette aqidah-là, alors que l'imam Malik et l'imam Shafi'i, ces deux-là font partie des imams de la Sunna, et dans cette question ils étaient d'accord avec tous les salafs, que la foi elle augmente et elle diminue, et que les actions font partie de la foi. Tandis que l'imam Abu Hanifa, il a fait des erreurs sur cette question. Les ulama, ils ont mentionné qu'ils s'étaient trompés sur cette question. Et donc, ils ont mentionné cette erreur-là de sa part. Et d'après ce que j'ai entendu, et ça c'est à vérifier encore, qu'il se serait corrigé de cette erreur avant sa mort. Il se serait corrigé de cette erreur avant sa mort. Mais par contre, les gens qui l'ont suivi et qui prétendent suivre le madhhab al-Hanafi aujourd'hui, eux, ils n'ont pas fait cette correction-là. Donc, ils restent sur la croyance des murji'a. Donc ça, c'est un élément dont il faut faire attention par rapport à ça. Non. Mais sur les autres principes d'Ahl Sunnah, ils sont d'accord avec la Sunnah sur les autres points. Non. Donc, par rapport à ça, le Cheikh, il mentionne des preuves pour expliquer que les actions font partie de la foi, et on va mentionner certaines des preuves qu'il a mentionnées. La première preuve que le Cheikh il a citée, c'est le verset 143 dans Sourate Al-Baqarah. Et ce verset parle du changement de la Qibla. Okay? Et c'est lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux croyants de changer de direction. Hein? Lorsque les croyants priaient vers Baytul Maqdis au début de l'islam, ou bien quand ils sont au début de l'islam et quand ils sont arrivés, disons, à Médine, hein, les premières années, ils ont prié vers Baytul Maqdis, c'est-à-dire vers le nord. Puis l'ordre d'Allah est descendu pour que les croyants se tournent vers la Kaaba. Donc ils ont, parfois même pendant la prière, hein, alors qu'ils étaient en train de prier en groupe, ils ont fait un tour sur eux-mêmes de 180 degrés pour se diriger vers la Kaaba, à la Mecque. Hein. Donc, ce changement de la Qibla a causé un peu de tristesse dans le cœur de certains des Sahaba, parce qu'ils s'étaient dit, qu'est-ce qui va arriver à la prière de ceux d'entre nous qui sont morts maintenant, mais qui ont prié vers Bayt al-Maqdis dans le passé. Est-ce que leur foi, hein, et leur croyance et leur salawat vont être quand même récompensés d'Allah? Et justement, Allah subhanahu wa ta'ala, il a répondu à ça dans le verset. Il dit, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Et il, donc, en voulant dire, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas vous faire perdre, hein, votre iman. Et ici, l'iman, de quoi il est question? Il est question de la salat. Allah ne va pas vous faire perdre votre salat. Et il a appelé la salat iman. C'est la preuve que les actions font partie de la foi. Hein? Ça, c'est une preuve que les actions font partie de la foi. Et ça, c'est qu'est-ce qu'on retrouve dans l'explication des sahaba à propos de ce verset. Également, parmi les preuves, il dit « Wa fi sahihayn min hadith ibn Abbas radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala li wafd Abd al-Qais amurukum bi arba'in al-iman billah hal tadruna ma al-iman billah shahadatu an la ilaha illallah wa iqam as-salah wa ita'u az-zakah وصوم رمضان وأن تعطوا من المغانم الخمس. Donc dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la délégation de Abdul Qais lorsqu'ils sont venus pour demander des questions sur l'islam, il leur a dit je vous ordonne quatre choses: la foi en Allah. Et il leur a dit, savez-vous ce qu'est la foi en Allah? Hein? Al-Iman, savez-vous ce que c'est Al-Iman? Et il leur a mentionné des choses qui sont en réalité des actes, hein? Des actions. Quand il leur a donné la définition de la foi ici, il leur a donné des actions. En exemple, le témoignage de la ilaha illallah, hein? Que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, l'établissement de la salat, le fait de donner la zakat, le jeûne du ramadan et de donner un cinquième du butin. Il leur a mentionné les piliers de l'islam comme exemple de la définition de la foi. C'est la preuve que les actions font également partie de la définition de la foi. Un autre exemple aussi, c'est le hadith qui est rapporté selon Abu Huraira radiyallahu anhu par Al-Bukhari et Muslim. Il dit, وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بدع وسبعون أو بدع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. Le hadith est rapporté selon Abu Huraira par Al-Bukhari Muslim, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que la foi est 70 et quelques branches ou 60 et quelques branches, selon le doute du rapporteur de ce hadith-là. Il a dit c'est soit 70 et quelques ou soit 60 et quelques. Hein? On voit la précision des sahaba. Ils ont peur de dire quelque chose, hein, sans être certain. Alors il mentionne, quand il a le doute, il dit c'est soit 70 ou soit 60 et quelques branches. Et il dit, parmi ces exemples-là, la meilleure, parmi les éléments de la foi ou les branches de la foi, la meilleure d'entre elles, c'est la parole de la ilaha illallah, que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Et la plus basse ou la plus modeste d'entre ces branches, c'est imatatul adha an at-tariq, retirer une nuisance du chemin, hein, quelque chose qui nuit au passage des gens sur la route ou sur le chemin. Ça fait partie de la foi et c'est une action. Hein? Et la pudeur, la timidité, la gêne, c'est une branche parmi les branches de la foi. Et ça, c'est une action du cœur. Hein? Al-Iman, Al-Haya, c'est une action du cœur. Donc, tout ça, c'est pour prouver que les actions qu'on fait entrent dans la foi. D'accord? Et en ce qui concerne l'autre point que le cheikh a mentionné, il parle ensuite de la question. Il parle ensuite de la question des œuvres. Il dit à propos de la salat, abandonnement de la salat. Il dit laysa shay'un min al-a'mal tarkuhu kufrun illa as-salat. Faman tarakaha mutlaqan faqad kafar. أجمع على ذلك صحابة رسول الله وقال عبد الله بن شقيق أو ابن شقيق لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة رواه الترمذي والتكفير نعم. Donc c'est ça. Ici il dit que en ce qui concerne les œuvres, il dit que il n'y a rien dans l'abandon des œuvres ou des actions qui est kufr, excepté la salat. Donc, celui qui délaisse de façon absolue, complète, totale, la prière, c'est-à-dire il prie jamais, il considère que celui-là, il est kafir, hein, kafara. Et il dit que les compagnons du messager, sallallahu alayhi wa sallam, se sont tous mis d'accord sur ça. Ils étaient tous d'accord sur ça. Et il cite une parole d'un des salafs, Abdullah ibn Shaqiq, qui dit « Il n'y avait rien qui était considéré, ou rien que les compagnons du messager, sallallahu alayhi wa sallam, considéraient son abandon comme étant une forme de mécréance, autre que la salat. » Il n'y a rien que les compagnons considéraient une forme de mécréance si on l'abandonne, excepté la salat. Ça, c'est rapporté par At-Tirmidhi. D'accord? Donc ici, je pense qu'il est bon de spécifier que ça, c'est dans le cas de ceux qui ont délaissé ou abandonné la prière de façon absolue et totale. C'est-à-dire qu'ils ne prient jamais, jamais, jamais. Tandis que certains ulama, ils font la distinction entre celui qui, parfois, délaisse certaines prières par paresse, hein, et que qu'ils prient en général, mais que parfois ils vont délaisser certaines prières par paresse, tout en reconnaissant l'obligation. Alors le jumhur des ulama à ce sujet-là, c'est que la personne en question, elle n'est pas en dehors de l'islam, mais elle a malgré tout commis un des plus grands parmi les grands péchés. Hein. Et que ce péché-là est plus grave que de manger du porc et de boire de l'alcool ou de faire le zina. Hein? Donc ça, c'est important de le savoir. Pourquoi? Parce que la salat, c'est la différence entre le croyant et le non-croyant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit bayna ar-rajul wal kufr ash-shirk tarku as-salat, entre l'homme, la mécréance, le kufr et l'association, le shirk, eh bien il y a l'abandon de la salat. Hein? Et l'autre hadith qui dit العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. C'est-à-dire l'engagement qu'il y a entre nous et eux, c'est la salat. Alors, quiconque la délaisse, il a rejeté la foi, il a renié la foi. Donc ça, ça veut dire que, yani, c'est qu'est-ce qui te distingue entre le musulman et le non-musulman. Et effectivement, si tu regardes la vie d'un musulman et la vie d'un kafir, qu'est-ce qui le distingue sur le plan quotidien? C'est la salat. Parce que enlève la salat, hein? Enlève le salat et qu'est-ce qui reste de distinction, hein? C'est-à-dire, tu mets un musulman, hein, qui fait la salat 5 fois par jour, tu peux tout de suite voir la distinction entre lui et le kafir. Mais s'il dit qu'il est musulman mais fait jamais la prière, sa vie au quotidien, qu'est-ce qui le distingue réellement d'un juif ou d'un chrétien? Pas grand chose, hein? Donc c'est pour ça que c'est très très important. Et en même temps, c'est ta relation avec ton créateur. Tu vas communiquer avec lui dans cette prière. Tu te rapproches de lui 5 fois par jour, à 5 moments de la journée différents. Et ça, c'est pour faire en sorte que ta foi, elle reste toujours forte et constante. Et le fait de l'accomplir en groupe, eh bien, c'est quelque chose qui crée des liens de fraternité et des liens communautaires qui fait que on est toujours unis et qu'on s'aime en Allah et on se voit quotidiennement les habitants du même quartier qui habitent tous autour de la même mosquée, qui se voient 5 fois par jour ou bien 3 ou 4 fois par jour selon ceux qui travaillent, qui vont prier ailleurs par exemple pendant la journée, mais au moins ils vont se voir au minimum 2 fois par jour, le Fajr puis le Isha, hein. Ils se rencontrent quand ils sont à la mosquée. Donc ça crée des liens. Ça crée des liens. Quand ils ne se voient pas, après ils se demandent où est-ce qu'il est? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il est quelque chose, hein? Donc ça, c'est des exemples. Tout ça pour dire que donc la salat, il ne faut pas la négliger. Puis un musulman qui néglige sa salat ou qui ne fait pas sa salat que de temps en temps, c'est très dangereux. Parce qu'en même temps aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné que au jour de la résurrection, la première chose que Allah va juger, c'est ta salat. Et que selon ce qu'on va regarder par rapport à ta salat, c'est ça qui va déterminer comment le reste va être. Est-ce que le reste va être bon ou pas bon? Donc si ta salat elle est pas bonne, le reste ça risque d'être pas bon aussi. Et si ta salat elle est bonne, alors le reste risque d'être bon. Et si ta prière obligatoire elle est déficiente, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va prendre dans tes prières surérogatoires pour compenser. D'accord? Ça c'est ce qui encourage également à faire des prières surérogatoires pour justement réparer les erreurs de la prière obligatoire s'il y a des manquements par rapport à ça. Et donc ça c'est en résumé qu'est-ce qu'on peut dire sur cette question par rapport aux actions, hein, que l'action c'est très important, ça fait partie de la foi. Donc si quelqu'un délaisse complètement la prière, hein, et bien ça c'est une grosse partie de sa foi qui est disparue. Également en ce qui concerne le takfir, et ça c'est une question importante. Donc, si vous voulez, on peut s'arrêter maintenant et quand on reprend, on commence à partir de ce point-là, parce que la question du takfir, ça a un lien direct avec cette question de la foi. Donc, c'est mieux de s'arrêter ici pour qu'on puisse réellement élaborer bien là-dessus pour clarifier les choses les plus importantes à ce sujet-là. Donc on va s'arrêter ici pour maintenant. On reprendra, je pense, après la salat, inshallah. Ok, d'accord. Donc subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.